Comme vous le savez peut-être déjà, hacer s'utilise aussi pour parler du temps qu'il fait. Et quoi de plus utile que de savoir parler du temps pour entamer une conversation? Voici comment ces expressions fonctionnent. Pour dire il fait chaud, on utilisera en espagnol hace calor. C'est la même structure dans les deux langues. Donc, comment direz-vous? Il fait chaud aujourd'hui. C'est ça, hace calor hoy. Toutefois, on dirait plutôt en espagnol hoy hace calor. En effet, les petits mots comme hoy, que l'on appelle des adverbes, sont très libres et peuvent se placer un peu partout dans la phrase. Mais lorsqu'ils sont courts, ils ont tendance à venir devant le verbe ou en début de phrase. Ceci n'est toutefois pas une règle, mais plutôt une question d'usage. Et si froid se dit frio, F-R-I accent aigu O, comment diriez-vous il fait froid aujourd'hui? Vous avez encore raison. On a bien hoy hace frio ou hace frio hoy. Maintenant, en utilisant viento, V-I-E-N-T-O pour vent, traduisez-moi il fait beaucoup de vent ici. Hace mucho viento aquí. Hace mucho viento aquí. Comme je l'expliquais juste avant avec hoy, il est plus courant de dire aquí hace mucho viento. Je vous rappelle aussi que beaucoup de se dit mucho et que le de ne se traduit pas en espagnol. Dites-moi maintenant, il faisait beaucoup de vent hier. Hacía mucho viento ayer. Hacía mucho viento ayer. Ou ayer hacía mucho viento. Ici, on décrit une action continue. Donc, on a utilisé les temps des longueurs, comme en français d'ailleurs. Et si frais se dit fresco, F-R-E-S-C-O, comment diriez-vous il fait frais aujourd'hui? Hoy hace fresco ou hace fresco hoy. Maintenant, si vous voulez décrire comment est le temps, vous utiliserez le mot tiempo, T-I-E-M-P-O. Si vous voulez dire beau temps, vous emploierez buen tiempo, littéralement bon temps. Buen s'écrit B-U-E-N. Comment direz-vous alors il fait beau temps maintenant? Hace buen tiempo ahora. Hace buen tiempo ahora ou ahora hace buen tiempo. Mauvais temps se dit mal tiempo. Donc, comment diriez-vous? Il a fait mauvais temps hier et nous ne sommes pas allés à la plage. Bon, je suis sûr que vous connaissez déjà le mot pour plage, hein, mais je vous le donne quand même. C'est playa, P-L-A-Y-A. Vous avez déjà entendu, je suppose, la chanson Vamos a la playa, oh, n'est-ce pas? Dites-moi alors pour commencer, il a fait mauvais temps hier. Hizo mal tiempo ayer. Hizo mal tiempo ayer ou ayer hizo mal tiempo. On utilise le passé simple plongeoir car on considère ici que c'est une action qui a eu lieu à un moment précis, ayer, hein, hier, et que ce moment n'a plus aucun rapport avec le présent. Donc, hizo mal tiempo ayer. Et dites-moi maintenant, et nous ne sommes pas allés à la plage. Y nos fuimos a la playa. Y nos fuimos a la playa. Le verbe ir est un verbe très rebelle. Il devient au passé sans plongeoir, fui, fuiste, fue, fuimos et fueron. Et si vous voulez entendre cette forme particulière avec vous, hein, lorsque l'on s'adresse à plusieurs personnes que l'on tutoie, la voici. Fuisteis, hein, vous alliez. Mais ne vous inquiétez pas de ça. Vous n'en avez pas réellement besoin pour l'instant. Et, au fil du temps, vous intérioriserez cette forme et l'utiliserez naturellement. Il n'est pas nécessaire de compliquer les choses pour le moment, d'accord? Donc, redites-moi, il a fait mauvais temps hier et nous ne sommes pas allés à la plage. Ayer hizo mal tiempo y no fuimos a la playa. Ayer hizo mal tiempo y nos fuimos a la playa. Pour il y a, on a ce fameux petit mot hay, H-A-Y, du verbe haber. Maintenant, si bu se dit barro, B-A-2-R-O, et si pleuvoir se dit llover, W-L-O-V-E-R, comment diriez-vous? Aujourd'hui, il a beaucoup plu et il y a de la boue. Pensez que le mot « de là » ne se traduise pas en espagnol. Hoy ha llovido mucho y hay barro. Mucho ne peut pas s'utiliser entre le plongeoir et le verbe. C'est pour cela que l'on dit ha llovido mucho pour il a beaucoup plu. Ensuite, les mots comme du, de là, qui désignent quelque chose que l'on ne peut pas compter, ne se traduisent pas en espagnol. Donc, on a dit hay barro pour il y a de la boue. On dira aussi como pan pour je mange du pain, etc. Avant que l'on ne s'intéresse à tener, ce verbe quelque peu coriace, voyons d'autres groupes de mots avec hacer. Poser une question se dit hacer una pregunta, littéralement faire une question. D'ailleurs, les Espagnols qui apprennent le français font souvent cette erreur et disent il m'a fait une question au lieu de il m'a posé une question. Vous pouvez aussi beaucoup apprendre en écoutant un Espagnol parler le français, surtout s'il est débutant. Donc, en utilisant les et le passé sans plongeoir, dites-moi, je lui ai posé une question. Le hice una pregunta. Le hice una pregunta. Se faire mal se dit hacerse daño. Daño, D-A-N avec tilde, O, signifie mal ici. C'est un mot qui exprime toujours quelque chose de négatif. Dans d'autres contextes, il peut se traduire par dégâts, dommages. Donc, comment diriez-vous « je ne veux pas me faire mal » ? No quiero hacerme daño. No quiero hacerme daño. Et comment diriez-vous « nous ne voulons pas nous faire de mal » ? Oui, c'est ça. No queremos hacernos daño. On accole les mots « mais », « c'est », « nos » à l'infinitif. Ou on peut aussi les mettre devant le verbe. No queremos hacernos daño ou no nos queremos hacer daño.